franceinter.fr. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, troisième épisode de notre semaine consacrée à la fête, avec aujourd'hui le palace ou l'apogée des branchés. Le 1er mars 1978, à Paris, s'ouvre en fanfare une boîte de nuit d'un genre nouveau, le palace donc. En 5 ans, cette discothèque devient phénomène de société, un espace unique où se croisent et se mêlent le show business et les punks, le monde gay et les top models, Frédéric Mitterrand et Jean-Paul Gaultier, Jack Lang et Aragon, réunis par une seule et même cause, la fête. Qu'on vit sur fond de musique disco. Derrière cette aventure, il y a un homme, Fabrice Aymard, créateur, animateur et âme du Palace. C'est autour de lui que s'écrit le mythe de toute une génération. Au croisement de 2 décennies, le Palace symbolise un moment suspendu, entre l'enterrement définitif des idéaux révolutionnaires de l'après-mai 68 et la fin de l'insouciance que génèrent les années SIDA. Un temps éphémère, rythmé par des fêtes plus folles les unes que les autres, où s'épuisent jeunes et moins jeunes sur la piste de danse, champagne et cocaïne en compagnons ténébreux. Endroit où se produisent, lors de concerts, les stars de demain, où les rencontres sont autant de promesses et de projets. La légende du Palace incarne donc cette période charnière, où s'assument la frime, le fric et le chic, le temps des branchés et des créateurs, mots qu'on met à toutes les sauces, règne de la communication et de la mode, affirmation de la communauté homosexuelle. Pour parler de cette histoire, en seconde partie d'émission, nous recevons 2 invités. Ersine Leibovitch, journaliste à France Info, spécialiste de musique, auteur du livre « Passeur de disques », publié chez Mareuil Édition en 2015, et Guy Cuevas, célèbre DJ du Palace, l'un des principaux protagonistes de cette histoire. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée par Simon Maisonneuve avec l'appui des documentalistes de Radio France. Attaché de production Valérie Priollet, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Nicolas Delmas. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Paris, un soir de fin de semaine, entre 1978 et 1980. Il est 20h. Aux quatre coins de la capitale, il ou elle rentre à la maison après le travail, le lycée, la fac ou tout simplement la galère. Il ou elle a entre 18 et 50 ans. Étudiant, publicitaire, journaliste, chômeur, artiste ou créateur, comme on dit à l'époque. Pour tout ce petit monde, commence l'autre journée, celle de la nuit. Un hard day's night remis au goût du jour. Alors, on se prépare, on s'apprête. Et si un élément réunit ce peuple noctambule d'univers différent, c'est bien la tenue, le look, le style. Et on trouve de tout, smoking de fripe, jeans serrés, perfecto, perruque brillante, strass au kilo, chemise blanche cintrée ou crête de punk, muscles saillants sous simple débardeur, robe de soirée à paillettes et pantalon de cuir. De la couleur vive sur tout et partout. Peu importe le choix finalement, tant que vous vous affirmez. D'ailleurs, la plupart retravaillent eux-mêmes leurs vêtements, car il faut surprendre, se différencier, oser. Vous pouvez un petit peu vous décrire, là ? Je suis l'hymne à la moule. C'est à quoi ça sert la moule ? La moule, ça sert à ça, et ainsi de suite. Voilà. Bien, vous avez fait ça avec quoi ? Vous pouvez nous expliquer ? Parce que là, j'ai du mal à enfiler mon micro entre vos coquilles. Avec quoi j'ai fait ça ? Avec une vraie moule, une grande moule. Je suis la moule. C'est la première fois que vous vous déguisez ? Non, j'étais en lingot d'or la dernière fois. C'est-à-dire ? En lingot d'or, j'avais une tête en lingot d'or, c'était pour les grands mythes du monde. Pour ceux qui peuvent, on sort dîner ou boire un verre, les plus riches aux 7, chez Chartier pour les moins aisés. Pour les fauchés, on grignote un bout à la maison, boire quelques bières sur un banc, dans la rue. Et puis, sur le coup de 23h, minuit, tous prennent la direction de la rive droite. Dans un quartier peu recommandé à l'époque, celui des Grands Boulevards, au croisement de la station de métro du même nom et de la rive du Faubourg Montmartre. Et là, au 8, 2 flèches encadrent les grandes lettres rouges qui brillent. Bienvenue au Palace. Comme tous les soirs de fin de semaine, la foule s'étire sur plusieurs dizaines de mètres. Et voici il ou elle, encore confiant. Pourtant, c'est dans quelques minutes que ça va jouer. Les voici donc devant l'entrée, face aux physionomistes, étape cruciale. Que ce soit Edwige ou Paquina Paquin, les icônes punk ou Jenny Miller, la gardienne vaudou, c'est toujours très délicat. Est-ce que votre style sera à la hauteur? Votre minois, c'est séduisant? La porte du palace, c'est toujours le tribunal de l'arbitraire. Peu importe en effet que vous soyez riche ou pauvre, habitué ou non, star ou inconnu, les seuls qui ont les clés, ce sont les trois cerbères chics. Ouais, il va même pas me laisser rentrer parce que j'ai mis mes baskets. Parce que j'ai mis mes baskets, il va pas me laisser rentrer. Et vous? Allez, pas, peut-être qu'on n'est pas à la hauteur, on a des têtes qui leur plaît pas, sans doute. Allez, c'est bon pour cette fois. On paye les 50 francs d'entrée, parfois on est même exempté. Immédiatement, on est aspiré par le large couloir de l'entrée. Les portes battantes passées, on est projeté sur l'immense piste de danse. Aucun siège, non, tout le monde est debout. La lumière des lasers, l'énorme lustre en boule à facettes au-dessus de la tête. À droite, le bar et ses serveurs qui portent la tenue rouge et dorée que leur a dessiné Thierry Mugler, un jeune créateur de mode. Au fond, la scène et la fresque du peintre Gérard Garouste. Là-haut, les balcons de l'ancien théâtre. Peut-être y aperçoit-on la silhouette de Roland Barthes, dans l'ombre, chroniqueur assidu de cette parade nocturne si particulière. Et puis, c'est parti. Emporté par le rythme disco mêlé à du rock, du punk, du reggae ou même du classique, diffusé depuis sa cage de verre par le DJ Guy Cuevas, la soirée peut commencer, la magie du Palace opère. Jusqu'au petit matin, il ou elle dansera, discutera, boira flot champagne, souvent offert d'ailleurs. Homosexuel, punk, aristocrate, tous mélangés. À l'extérieur, le jour se lève et la nuit pourtant continue, parce qu'on refuse que ça s'arrête. Alors, on sort au bras d'une rencontre, et puis on reviendra demain pour raconter comment tout ça s'est terminé. En partant, il ou elle croit sans doute ce grand homme élancé aux cheveux blonds et aux traits fins. Lui ne danse pas, il boit avec raison, il est là, il observe, rit, profite. Lui, c'est le prince de ce palais moderne, c'est Fabrice Aimer. La fête, parce que c'est important, c'est très directement enraciné dans les traditions, la fête. Et je pense que si nous l'avons ressuscitée avec tellement de succès au palace, c'est précisément parce qu'elle correspondait à une tradition. Le respect du calendrier, par exemple, dans les fêtes, le Mardi Gras, la mi-carême, prouve à quel point les gens ont besoin de retrouver leur identité dans la fête. De la jeunesse de Fabrice Aimer, on sait peu de choses, si ce n'est qu'il est né en 1935 à Vatrolo, une ville proche de Lille. Son père, commerçant textile, meurt quand il a 14 ans. Et à partir de là, Fabrice voyage, notamment au Maghreb, monte à un institut de beauté à Lille, passe par la Côte d'Azur, pour finalement atterrir à Paris au début des années 60. C'est là qu'il se décide. Il travaillera dans la limonade, le service et la restauration, celle de la nuit. En 1964, et grâce à l'argent d'un riche anglais avec qui il s'est lié d'amitié, il ouvre le Pimm's, rue Sainte-Anne. Très vite, le bar rencontre un certain succès. Petit et chaleureux, il accueille une clientèle aisée, mondaine, artistique, avec qui Fabrice tisse de nombreuses relations, qui lui ouvrent de nombreux horizons. Fabrice Aimer écoute, apprend, pose son empreinte. Mais son ascension est stoppée net une nuit de 1967, lorsqu'un homme surgit dans son appartement, revolver à la main, pour lui voler la recette de son bar. Fabrice Aimer tente de parlementer, l'homme panique et lui tire dessus. Trois mois de soins intensifs, un an de convalescence, des cicatrices pour la vie. Passé un souffle de la mort, il ressort de ce drame, l'ambition décuplée, prête à vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Prochaine étape, un restaurant. Ce sera juste à côté du Pimm's, au 7 rue Sainte-Anne, et ça s'appellera le 7 qui ouvrira en 1968. Au 7, on dîne au rez-de-chaussée, puis on descend sur la minuscule piste de danse, au sous-sol. Une fois encore, le succès est immédiat. D'abord fréquenté par la communauté gay, parisienne riche et nocturne, dont l'épicentre se déplace de Saint-Germain à la rive droite, le 7 est le lieu où se retrouvent célébrités, artistes et autres dandies. Lui-même homosexuel revendiqué et assumé à une époque où c'est encore rare, l'ascension de Fabrice Aimer est indissociable de cette histoire. Bon, d'abord, j'ai fait un lieu d'homme parce que je suis homosexuel, donc il n'y a pas de raison que je fasse un lieu qui ne soit pas pour les hommes. Et je me suis senti, si vous voulez, une mission vis-à-vis des garçons. Évidemment, la clientèle de base a toujours été une clientèle homosexuelle. En ce qui me concerne, mon homosexualité ne me pose pas beaucoup de problèmes. Elle se vit... Tout le monde sait que je suis homosexuel et c'est un trait social de mon comportement, en quelque sorte. J'ai pas de... Je pense que ça n'est pas... Il n'y a plus d'inconfort parce que c'est accompagné d'une certaine réussite sociale également, peut-être. Vous savez, il y a le problème des minorités en ce qui concerne les homosexuels. Il ne faut pas oublier que les minorités sont toujours plus aguerries. Quand il y a dans une famille très simple, cinq gosses, s'il y en a un qui se débrouille mieux dans la vie, c'est très fréquemment l'homosexuel. La réussite, c'est toujours une fuite de quelque chose. Pendant 10 ans, le 7 consacre Fabrice Havert comme l'un des nouveaux rois de la nuit parisienne. Et puis, le sentiment de tourner en rond, l'envie de faire autre chose, le désir toujours de voir plus grand, l'homme veut passer à l'étape supérieure. Ce sera une boîte de nuit. Mais pas n'importe quelle discothèque, non. Fabrice Havert veut un lieu magique, unique. Il existe d'ailleurs un exemple outre-Atlantique dont les chanceux, qui on peut y aller, parlent avec des étoiles dans les yeux lorsqu'ils reviennent à Paris. Ouvert le 27 avril 1977 dans les anciens locaux de la chaîne de télé CBS, le Studio 54 réunit des milliers de personnes dans des fêtes sans fin où excentricité, sexe et drogue, sur la disco endiablée des chics de Nile Rodgers, mêlant Andy Warhol à Mick Jagger au milieu des anonymes. Après plusieurs mois de recherches infructueuses, c'est par l'intermédiaire du ministre de la Culture de Valéry Giscard d'Estaing, Michel Guy, que tout s'enclenche. Cet ami de Fabrice Hemmer l'appelle un jour de septembre 77 pour lui dire que le théâtre du Palace cherche acquéreur. Il devrait visiter les lieux, ça vaut le coup. Lorsque Fabrice découvre cet établissement, construit en 1895, qui fut tour à tour music hall, cinéma et théâtre, il tombe immédiatement sous le charme. C'est évident, c'est l'endroit parfait, grand, volumineux, chargé d'histoire. Pour payer les 600 000 francs nécessaires à l'achat du fonds de commerce, Fabrice emprunte à des banques et des amis. Le 1er janvier 1978, il reçoit officiellement les clés et entame les travaux. 12 millions de francs, obtenus grâce aux prêts de différentes entreprises, sont nécessaires pour réaliser en 2 mois le réaménagement complet du palace. Autour de lui, il reconstitue une équipe de fidèles, déjà là pour le 7. Claude Rançon, animateur général, Gilles Roignan pour la programmation, Sylvie Grimbach et Dominique Segal en attaché de presse, enfin Elie Schulman comme administrateur. La joyeuse bande parvient à tenir les délais et, malgré un premier refus de l'administration, joue de ses relations pour finalement lancer la soirée inaugurale du Palace le 1er mars 1978. Jenny Belair, la physionomiste, raconte... Un monde complètement dingue avec une multitude de gens bigarrés, un peu quand même très très looké, très looké chic. Un monde de gens brillants, beaux, surtout très beaux, très élégants, heureux, riches. Enfin, c'était hallucinant avec des garçons, des filles, un casting comme on dit, mais hallucinant. Des gens qui se pressaient, puis de plus en plus, ça a débordé, je crois qu'ils ont dépassé la limite autorisée d'entrée avec une beuverie de champagne. Ça commençait déjà à être extrêmement prémonitoire, le temps, quelque chose qui allait bouleverser Paris, quoi, la nuit. Son histoire première, originelle et matricielle. Pour ce soir du 1er mars 1978, la soirée d'inauguration du palace, plus de 3000 cartons d'invitation ont été envoyés au tout Paris de la nuit. Venez en robe longue, smoking ou comme il vous plaira. D'emblée, le palace se veut chic et ouvert. Dans l'équipe, en coulisses pourtant, l'attention est grande. Après tout, rien n'est jamais sûr. Les gens vont-ils venir? Le bouche à oreille et les connexions seront-elles suffisantes? La réponse ne tarde pas à venir. À minuit, les trottoirs du faubourg Montmartre sont pleins à craquer et le contraste est saisissant entre les rues de ce quartier populaire et tous ces gens en smoking. Il faut 20 minutes pour franchir le couloir de l'entrée. Une fois à l'intérieur, les invités découvrent cet incroyable espace réaménagé par deux jeunes architectes en devenir, Vincent Barret et Patrick Berger. Et puis bien sûr, les trois lasers, véritable révolution à l'époque, festival de lumière qui absorbe les danseurs. Certains s'arrêtent même, parfois uniquement pour observer l'autre dans celle des néons. Au platine, le français d'origine cubaine Guy Cuevas, disjockey avant même que ce terme existe, qui passe du set au palace pour inonder les imposantes sonos des sons du moment. Le champagne coule à flot, la fête bat son plein. Quand aux alentours de 3h du matin, débarque sur scène une jeune top modèle d'origine jamaïcaine, encore peu connue, qui a décidé de se lancer dans la chanson. Physique androgyne, Grace Jones, c'est elle, entame un night clubbing, reprise de David Bowie et Iggy Pop, qui laisse pourtant le public de marbre. C'est alors qu'Yves Saint-Laurent, le célèbre créateur, monte sur scène, rattrape Grace Jones en coulisses, remonte sa jupe, arrache son chemisier et le remplace par un bustier qu'il attache avec sa ceinture de smoking. La chanteuse revient, totalement relookée, et entame la vie en rose d'Edith Piaf. Et là, c'est un triomphe. Ce soir-là, les 3000 personnes et l'équipe du Palace, Fabrice Aimer en tête, comprennent ce lieu. Oui, c'est celui de tous les possibles. En quoi le Palace est différent d'une autre discothèque? D'abord, c'est un théâtre. Donc, ce qui permet aux gens d'exprimer leur théâtralité, d'être à la fois acteurs et spectateurs d'eux-mêmes. En fait, on a réalisé un vieux rêve des animateurs de théâtre, faire participer le public. C'est un peu le sens des affaires qui vous a guidé. C'est le sens du jeu. Parce que vous savez, c'est entre le poker et le patin à glace pour l'instant. On vous donnera la réponse en 2 ans. C'est-à-dire qu'il faut que ça fonctionne très fort pendant 2 ans pour récupérer l'investissement. Après cette première soirée privée, le Palace ouvre au public 3 semaines plus tard, le temps de finaliser les travaux et d'avoir, cette fois, une réelle autorisation administrative en bonne et due forme. Entre-temps, la presse spécialisée se fait l'écho de cette soirée folle et le pari de la nuit est aux aguets. Rapidement, tous veulent venir voir à quoi ressemble cet endroit dont on murmure qu'il est si différent. Les gens qui viennent au Palace, c'est tout le monde. Parce que je tiens beaucoup à ce que ce soit tout le monde. Parce qu'on ne demande pas le curriculum vitae des gens à l'entrée d'un théâtre. Et parce qu'un théâtre doit être un lieu libre. Donc le Palace est un symbole de liberté. Voilà. Voilà l'utopie, l'idéal de Fabrice. Il veut, à travers ce lieu, selon son expression, démocratiser le chic. Oui, il y aura bien des physionomistes à l'entrée en charge de choisir qui peut entrer ou non. Mais ce n'est plus l'épreuve du Judas, comme chez Régine ou chez Castel, les deux établissements phares du moment où vous entrez uniquement en fonction de votre portefeuille et de la richesse affichée dans votre tenue. Au Palace, au contraire, tout le monde peut entrer pourvu qu'il ait du style. Démocratie à l'intérieur, dictature à l'extérieur, disait Andy Warhol du Studio 54. C'est cette volonté de mélange qui constitue le premier élément de la réussite du Palace, justement. À partir de ce mois de mars 1978, le lieu entame sa marche vers le succès. Le coup de poker de Fabrice Aimer est en passe d'être remporté. Alors, cette mixité parviendra-t-elle à tenir? Les sommes investies seront-elles remboursées? Dans un monde de la nuit, où les modes et les habitudes changent en quelques années, voire en quelques mois, le Palace parviendra-t-il à durer? Voilà, autant de questions qui pour le moment sont reportées au lendemain, après la fête. Yes, give her all the love that anyone can. She was promised to another man. He tried so hard not to go insane. Birds to fly, looks like rain. I love you, baby, I love you so much. Maybe we can stay in touch. Meet me in another world, space and joy. Who's that red band, mama, girls and boys? Love is so real. I can take the breakup if you say that you care. He had to run away, his pride was too strong. It started raining, baby, the birds were gone. Oh, love you, baby, I love you so much. Maybe, maybe we can stay in touch. Meet me at another world. Who's that rebel, mama, girls and boys? Oh. Juin 1978, deux mois après son ouverture, le Palace inaugure ses autres fonctions. Spectacles, projections de films et concerts sont organisés. Et c'est ainsi qu'on voit passer les artistes à venir, le jeune Prince par exemple, qui se produit ici pour la première fois en France, depuis devant 150 personnes. Au Palace, on danse, mais on discute aussi politique, société, projet. On invente également. Pour mettre en valeur le lieu, son propriétaire donne sa chance à de jeunes artistes. Toute une génération de créateurs, de jeunes gens modernes, comme on dit, se rencontrent et s'expriment par le mécénat festif de Fabrice Hemmer, Thierry Mugler, Pierre Garousse et Jean-Paul Goude. Le Palace Magazine, qui promeut les événements et les raconte, met en avant deux jeunes artistes photographes, Pierre et Gilles. Pour les fêtes privées, on confie les décors à un Italien plein d'avenir, Paolo Caglia. Et ce sont bien ces fêtes privées qui écrivent la légende du Palace. Fabrice Hemmer le sent depuis quelque temps, les deux mouvements phares de l'époque sont la musique et la mode. Si au Palace on entend de tout, il est indissociable de l'avènement de la musique disco qui consacre le danseur seul, fini les couples ou les duos. Le disco apparaît alors comme l'affirmation de l'individualisme et la consécration de la danse en masse, comme le raconte le chorégraphe Maurice Béjart, un habitué des lieux. Comment expliquez-vous, Maurice Béjart, cet exhibitionnisme de notre temps, où que ce soit, au Palace ou ailleurs? Mais finalement, c'est pas tellement de l'exhibitionnisme, parce que les gens ont envie d'être seuls. Et les gens se retrouvent très seuls dans cette foule. Et justement, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent se défouler, ils peuvent exister, ils peuvent sentir leur corps au rythme de la musique, avec ses lumières, avec ce mouvement, parce qu'ils sentent qu'on ne les regarde pas. Parce que les gens vont pas tellement au Palace pour regarder ou être regardés, ils vont là pour exister, exister à travers la danse, le son et la lumière. La mode au Palace, on la retrouve du côté des habitués, Kenzo, Lagerfeld, Yves Saint-Laurent ou le jeune Jean-Paul Gaultier. Elle se donne à voir dans les fêtes privées somptueuses qu'on y organise. À l'occasion d'un anniversaire, du mariage d'un ami ou de la fin de saison des défilés, le Palace est privatisé pour des bals, souvent costumés, toujours thématiques, où le champagne gratuit et l'interdit prohibé. Par exemple, ce 25 octobre 1978, pour le grand bal vénitien organisé par Karl Lagerfeld et Jacques de Bachère, et où arrive en clou du spectacle Jenny Belair sur une gondole portée par les pompiers de Paris depuis l'extérieur jusqu'à la piste de danse, et ben voilà, il faut créer l'événement. Alors, on dépense sans compter, et de simples boîtes. Le Palace devient phénomène de société. Le journal Façade, fondé par les publicitaires dont Thierry Ardisson quelques années auparavant, met en avant le lieu. Alain Pacadis, sorte de marginal, dandy punk, cheveux gras et alcoolémie légendaire, chronique ses soirées dans une nouvelle rubrique hebdomadaire de Libération, Night Clubbing. Sur le plateau d'Apostrophe, il n'hésite pas à appeler tout le monde à se rendre au Palace. Il me semble que vous menez quand même une vie, je dirais, assez agréable, parce que dans votre journal, ben, vous passez d'un concert à une boîte où on fait de la disco, les boîtes s'appellent le Bataclan, le Gibus. Le Palace aussi maintenant. Oui, vous voyez des films, vous allez à des expositions, vous voyez des concerts punk, vous avez une vie très mondaine d'ailleurs. Je ne sais plus qui, paraît-il, on vous a appelé la Carmen Tessier de Libération. Oh là là. Non, c'est pas vraiment une vie, c'est pour essayer de penser à autre chose, parce que c'est tellement triste tout ce qui arrive, il faut bien s'étourdir, alors sortir le plus possible, sortir toute la nuit, aller boire, aller danser, faire le plus de choses possibles. Avant qu'on meure, il faut avoir du plaisir, il faut jouir de l'instant. Alors moi maintenant, je vais aller au Palace, où il y a une super partie pour les collections, je vous invite. Ainsi, au fil du temps, la presse nationale se saisit du phénomène Palace. D'ailleurs, la télé organise la soirée du Nouvel An 80 en direct. Eh bien, bonsoir à vous tous, les pays de l'Eurovision. Bonsoir, je suis, comme vous le voyez ici au Palace, dans une situation particulièrement délicate. Tous les danseurs du Palace vont avec nous et avec vous tous, vous êtes quelques millions ce soir, vivre les premières minutes de cette nouvelle décennie dont on attend tellement, cette nouvelle année 1980. Deux ans après son ouverture, le Palace est à son firmament. Il compte une centaine d'employés permanents et déclare un chiffre d'affaires de plus de 30 millions de francs. Une multinationale pour le monde de la nuit. Pour autant, sa santé financière n'est pas au beau fixe, contrairement aux apparences, car Fabrice Hébert doit rembourser les dettes empruntées pour les travaux, d'autant plus qu'il réinvestit tous les bénéfices dans les incroyables soirées-événements qu'il organise. À 45 ans, l'homme est au sommet. Il travaille d'arrache-pied tous les jours, dort 4 heures par nuit, consacre tout son temps à ce projet fou. De folie, il y a aussi celle des grandeurs. Il essaie un temps d'exporter le Palace à travers des cirques qui circuleraient dans toute la France. C'est un échec. Échec aussi cette tentative de patinoire festive dans le centre commercial des Quatre Temps, à La Défense. De ces déconvenues, une certaine presse se réjouit, car le succès de l'établissement ne ravit pas tout le monde. De nombreux journalistes dénoncent ce qu'ils appellent l'ère du vide, les dépenses indécentes et le culte du fric et de la frime. Mais Fabrice Hébert rencontre un problème plus grand. La mode du Palace, après deux ans, si elle s'est généralisée, rencontre la concurrence d'autres établissements. La Scala, rue de Rivoli et les Badouches du côté des Halles. Le souci, c'est que la clientèle gay migre vers ces nouveaux lieux, et notamment les bars du Marais. Pendant ce temps, en ouvrant de plus en plus ses portes, le Palace atteint aussi une limite. La clientèle riche et privilégiée a le sentiment d'avoir perdu l'esprit des premiers temps et n'a plus très envie de se mélanger. Face à la situation, Fabrice Hébert prend une décision à contre-courant. Il transforme la piste de roller du sous-sol en restaurant-club, dont le nom résume l'idée, le privilège. Élitiste, ce choix qui permet de relancer la machine financièrement trahit l'esprit originel. D'ailleurs, on rencontre Andy Warhol au privilège. Andy Warhol, tu es à Paris pour quelques jours. Que penses-tu de la nouvelle décoration du sous-sol du Palace? Here is a microphone. Okay. Sure. I love the new decoration of the basement of the palace. J'aime la nouvelle décoration du sous-sol du palace. On appelle ce lieu le privilège. C'est fantastique. Je crois que le privilège était avant un roller disco, n'est-ce pas? Oui, autrefois, mais maintenant c'est un lieu plus sophistiqué, inspiré par Jean Cocteau, Schiaparelli, Lee Bérard et toute cette école artistique. Un autre bémol survient le 5 mai 1981, cinq jours avant le second tour de la présidentielle qui oppose François Mitterrand à Valéry Giscard d'Estaing. Ce soir-là, une grande fête est organisée pour l'anniversaire de Fabrice Hébert, qui arrive sur scène, chante La Vie en rose et finit par un appel lancé à la foule. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. C'est maintenant la fête, la musique François Mitterrand, au son des pieds. Du haut des balcons et depuis la piste, la salle se divise entre applaudissements et huées. En quelques minutes, le palace se vide de moitié, métaphore d'une France, elle aussi divisée en deux, à quelques jours de basculer à gauche. Le monde de la nuit a beau être celui des rencontres et de l'ouverture, il reste aussi celui des riches et des privilégiés. Et le palace peut reposer sur un idéal de mixité, bien sûr, il est tout de même rattrapé par ceux qui font vivre ce type d'établissement à coups de frimes et de fric. Or, le fric, on l'a dit, la boîte commence à en manquer. 4 ans après son ouverture, en 1982, l'établissement doit une première fois déposer le bilan. Malgré tout, Fabrice Aimer parvient à sauver le coup et le palace est autorisé à poursuivre son activité. Les dépenses devront être totalement encadrées. Dépenses encadrées, oxymore. D'autant qu'un mal plus profond ronge Fabrice Aimer. Depuis l'été 82, il sait qu'il est atteint d'un cancer des reins. Il a tardé à écouter son corps. Là, il apprend que le pronostic vital est engagé à court terme. Affaibli, marqué, il est tout de même présent ce 23 mars 1983 pour les 5 ans du palace. Et puis, le 11 juin. Je voudrais revenir sur un événement que l'on peut considérer comme de la vie parisienne. Il s'appelait Fabrice Aimer. Il est mort à 48 ans, victime d'un cancer. Son nom ne vous dit peut-être et sûrement rien. Mais ce qu'il a fait va sans doute vous éclairer. C'est lui qui a créé le Palace, cette célèbre boîte de nuit parisienne qui est aujourd'hui visitée au même titre que certains monuments historiques. Fabrice Aimer était un homme de la nuit qui avait instauré un nouveau style de cette vie. Fin de partie. Ce 11 juin 1983, le palais a perdu son prince et avec lui son âme. Ses plus proches collaborateurs, Claude Auranson et Gilles Royan, tentent bien de poursuivre son œuvre, mais ce n'est plus comme avant, car la France bientôt change. Le sida frappe. De nombreux habitués disparaissent, les uns après les autres, victimes de ce mal encore mystérieux et surtout mal vu. La drogue également fait des ravages. Jusqu'en 1988, le palace continue de fonctionner, puis il ferme. D'autres, comme Origine ou les époux Guetta, essaient de le relancer dans les années 90, mais sans succès. Les soirées parisiennes se déplacent, la mode change, la crise économique et le chômage s'installent, le sérieux s'y l'emporte sur l'éclate, on rentre dans le rang de la décennie 80, celle de la pub et de la communication. Reste que pendant 5 ans, aux 8 rue du Faubourg Montmartre à Paris, un lieu a ouvert ses portes et embrassé les aspirations et les tendances de toute une époque. Reste aussi ce dernier mot qui résume peut-être tout. On le débusque à la fin de l'une des chroniques d'Alain Pacadis, lui aussi parti trop vite un soir de décembre 86. Un matin, en quittant le palace, il rend un hommage ténébreux à ses nuits magiques par cette formule « Le jour se lève, j'ai envie de mourir ». We'll be right back. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, les années 80, la fête au Palace avec deux invités. Ersine Lebovitch, bonjour. Bonjour. Journaliste à France Info, spécialiste de musique. Vous êtes notamment l'auteur du livre que j'ai entre les mains. C'est un gros livre lourd parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. Ça s'appelle Passeur de disques, publié chez Mareuil, édition 2015. Vous interviewez plusieurs disques jockeys, livre oui. Dans lequel nous retrouvons d'ailleurs notre deuxième invité. Guy Cuevas, bonjour Guy Cuevas. Bonjour. Célèbre DJ du Palace, l'un des principaux protagonistes de cette histoire qui diffuse depuis le début de l'émission dans ce studio une belle ambiance et beaucoup de chaleur. Ah, merci gentil. De votre présence à côté de moi, c'était très agréable. Merci de l'invitation. Vous êtes donc l'un des acteurs de ce récit qui constitue sans doute l'une des plus grandes époques des nuits parisiennes. Parlez-nous d'abord de Fabrice Aimer, cette figure hors norme de la nuit parisienne, un vrai personnage. Je dis encore bravo pour le texte que vous avez dit si bien avant. Merci. Fabrice, comme vous l'avez bien dit, venait de nulle part. Il s'était créé lui-même ce personnage incroyable, viscontien, comparé au limonadier que j'ai connu par la suite, dans la nuit. Qu'est-ce qu'on appelle les limonadiers? Dites-moi dans votre... Ben, des patrons, des boîtes de nuit, mais qui disent bonjour à peine quand ils arrivent aux employés, qui ont un mépris total de la clientèle, puisqu'ils ne voient que l'argent, que les tiroirs caisses. Et que dès qu'ils arrivent, ils demandent combien on a fait. Voilà. Bon. Donc, comparé à ça, Fabrice était un intellectuel. C'était un cerveau. Il nous avait appris, moi j'avais tendance à l'avoir déjà, avant toute chose, il y avait une réflexion. Il y avait le cerveau qui fonctionnait. On n'était pas dispensé de cerveau. En plus, il lisait, il adorait l'opéra, il lisait la presse. Il avait cette chose comme régime de dormir 4 heures seulement. Donc, il était au courant de tout, tout l'intéressait. Et quand il a eu ses joujoux dans les mains, ses joujoux extra, qui étaient les palaces, mais voilà, alors là, on a donné livre court. Comme il le disait lui-même juste avant, c'était un théâtre. Et on s'est pris pour se mettre en fête. Ça a donné libre cours à toute notre imagination, notre création, à tous. Et on passait notre vie là-dedans. Il avait la chance qu'il était célibataire. Et nous tous, on était célibataires et voués donc à notre métier et à notre création. On adorait ça, sinon c'était invivable. Mais à ces jours et nuit à ça. Oui, metteur en fait, je note cette jolie formule, metteur en fait. C'est bien de parler de Fabrice Aimer, ça va vous faire plaisir de l'entendre. Une nouvelle fois. Vous voulez qu'on l'entende une nouvelle oui, fois? Oui, allez, oui, allez, oui, on l'écoute. Bis. On l'écoute. Bon, moi, je crois beaucoup à la gratuité des choses. Alors peut-être que les saints fondateurs du Palace sont sur eux cette planète chance, comme ça, qui leur vaporise la possibilité d'offrir aux autres du plaisir. Je crois que c'est beaucoup de choses que le Palace a fait. Il a inventé une espèce d'art de vivre. Ersine Lebovitch, je vais vous passer la parole maintenant. Oui. Il y a un côté mécène intéressant là-dedans. Hein. On pense aussi à Jean-François Bizeau, le créateur d'Actuel, et Nova, dans la même époque. Il y a une espèce de mécénat. Il dit on pense à la gratuité. Oui. On y croit. Guy nous disait tout à l'heure que c'était pas un tiroir caisse, ce monsieur. Non, c'était d'abord pour le plaisir, je pense. Pour le plaisir et pour l'art aussi. Parce que les fêtes du Palace, manifestement, c'était un art hein, de les organiser. Guy raconte dans le livre Passeur de disques les petits points, des sortes de conférences de rédaction avant les fêtes pour savoir comment il fallait s'habiller, quel morceau allait passer en premier, quelle était l'ambiance. Et parfois, ça se raccrochait même à l'actualité, à des événements qui venaient de se produire, hein, Guy, tu le racontes dans le livre. Absolument. Tout entrait en ligne de compte. Et pourquoi on garde malgré tout l'image des années 80 et du Palace comme des années frics, des années frimes, mais vu d'ici, c'est-à-dire vu de 30 ans presque après, ça paraît pas recommandable. Mais quand on vous écoute, et quand on se plonge dans le récit, on se dit qu'il y avait des choses sympas quand même. Non, oui, il y avait tout ça aussi. Il y avait le fric, la frime, il y avait tout ça, la drogue, il y avait tout ça. Mais en même temps, tout ça venait déjà d'une réflexion, comme je disais avant. Ils nous réveillaient pour venir déjeuner, même si on n'avait pas dormi, ou pas du tout, à cause de la drogue aussi. Mais on venait déjeuner, on passait l'après-midi à répéter, à étudier. Il nous disait qu'est-ce qu'il avait appris par la presse. S'il voulait qu'on couvre quelque chose, les disparus en Argentine, par exemple, comme je disais à Simon. Comment tu vas couvrir ça, chérie, Guy, à musique, qu'est-ce qu'on va mettre, qu'est-ce qu'on va inventer comme effet spéciaux également. Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il réinvestissait tout le fric, tout l'argent qu'on gagnait dans de nouveaux... Je dirais qu'il avait un respect de la clientèle. Mais, effectivement, comme avant, il n'y avait que des discothèques où on dansait, où on buvait, etc. Donc, les détracteurs me prenaient ça comme prétexte. Je pense que les éléments négatifs, entre guillemets, ont pris le pas au fil des années. Mais au départ, et je parle du chômage, je parle du sida, la crise, etc. Au début du Palace, il n'y a pas tout ça. Et donc, il y a une liberté formidable. Et j'ai l'impression, parce que je n'ai pas vécu cette époque, que Fabrice Aimer, à l'époque, a placé vraiment la nuit parisienne au centre du monde. Le Palace au centre de la nuit parisienne. Et Guy Cuevas au centre du Palace. Ouais. Mais c'est une alchimie, ça, quand même, parce qu'il y a d'autres établissements, et c'est celui-là qui fonctionne, c'est celui qu'on retient. Alors, est-ce que c'est dû entièrement à la personnalité, au travail de Fabrice? Il y a une vision, clairement. Je pense qu'il y a une vision. Bon. Guy, je sais pas ce que tu en penses. C'est une autre vision, justement, ne ressemblait pas du tout à ce qui avait existé auparavant. D'accord. Même pas au 54, qu'on avait visité avant pour nous en inspirer. Mais on voulait faire plus, faire mieux, plus grand, plus intelligent également. On voulait élever les débats, élever les bons goûts des gens. Donc, on s'est servi du théâtre, comme il expliquait si bien, si brillamment tout à l'heure Fabrice, pour réveiller la théâtralité chez tout le monde. Sans compter que tout le monde a un côté narcisse. Donc, on s'est dit, pas de siège, que tout le monde danse sans arrêt. On les provoquait pour qu'ils restent sur la piste. Et je m'en arrangeais avec la musique. Ouais. De toute façon, c'était tellement compact qu'ils ne s'arrêtaient même pas de danser. Ils ne pouvaient pas bouger. Alors, là vous prononcez un mot important, qui est un élément important, ce genre de fête, évidemment. C'est la musique. Il n'y a pas que le disco. Il y a tous les genres. On mélange, on découpe les morceaux. Le rôle de Guy Cuevas a été vraiment fondamental à cette époque. Et beaucoup de DJ vous en parlent, tous ceux qui ont eu l'occasion d'aller danser sur Guy, pour paraphraser la chanson de Nougaro, entendaient des choses qu'ils n'entendaient nulle part ailleurs. Guy Cuevas ne se contentait pas de passer des disques. C'est quelqu'un qui s'amusait à mixer des dialogues de films, des ambiances, des bruitages, qui jouait, qui dansait aussi avec les gens. Alors ça, c'était peut-être plus vrai encore au 7, avant le Palace, mais cette ambiance musicale a été vraiment fondamentale, et je crois, Guy, que tu découvrais aussi beaucoup de disques au fil de voyages que tu rapportais. Tu étais vraiment au jour dans la nouvelle musique. Tout ça m'a inspiré aussi pour les musiques, pour surprendre, pourvu on avait vocation de cultiver les gens, d'accélérer les rééducations, vous voyez. Alors, la musique, écoutez, c'est l'occasion de tout trouver. D'habitude, c'est nous qui choisissons les musiques, enfin, c'est notre programmatrice musicale. Nous vous avons demandé, avant l'émission, c'est Simon, alors vous disiez Simon tout à l'heure, Simon Maisonob, c'est notre collaborateur qui a monté l'émission. Hein. Alors, il y a beaucoup de Simon, talent. Oui, absolument, je confirme. Donc, j'en suis où, moi? Oui, voilà, Simon vous a demandé de choisir un morceau qui vous fait penser à ces années-là, pour une raison ou pour une autre, qui est emblématique. Qui m'annonce? Vous me l'annoncez? Guy, bien sûr. C'est African Reggae de Nina Hagen. Je dis pourquoi? Bien sûr. Pour rajouter à ce que je disais juste avant, parce que on avait une vocation sociale également. Fabrice, qui lisait la presse, donc, je l'ai pratiquement dit tout à l'heure. Quand il vous disait, par exemple, disparu en Argentine, il nous disait, mais comment vous allez couvrir, etc. Donc, je proposais certains morceaux. Il est évident que vous parlez des Français qui ont disparu en Argentine, on ne savait pas s'ils étaient morts, on n'allait pas passer les Village People, ni Bad Girls de la Sommaire. Donc on essayait plein de choses par rapport aux photos des disparus qui étaient sur la scène. C'était un moment social, vous voyez, c'est une vocation sociale pour que les gens, s'ils n'avaient pas écouté les nouvelles, nous, on avait ce rôle-là, de leur dire qu'est-ce qui se passait dans le monde également. Et j'avais choisi African Reggae, Nina Hagen, parce que c'est ce qui était un peu chamboulant, ça réveillait les gens, ça bouleversait les chignons des bourgeoises, voilà. Et puis c'était beau, musicalement, très travaillé. Bon, on écoute. Nina Hagen, il y a tout là-dedans, il y a du lyrisme, c'est du reggae, formidable. De la folie, de la mélodie, ça. Là, on atteint des sommets, on tutoie les sommets, vous avez dû vous éclater avec ça, Guy. Ah, formidable, j'y suis là, je suis complètement dedans, oui. C'est formidable, formidable bon. Trouvaille, là. Alors, il y en a une autre, on va pas les faire toutes, mais juste deux. Last Night, DJ Save My Life, ça c'était grandiose aussi, et puis oui. Alors, ça doit vous aller droit au cœur, parce que la nuit dernière, un DJ m'a sauvé la vie, c'est, oui. Ça fonctionnait bien aussi. Formidable, formidable la chanson aussi. Oui. C'était in deep, bien. Oui. Alors, Ersin Lebovic, la communauté gay a joué un rôle important dans cette culture-là, et la façon d'assumer, on le rappelle, c'était pas forcément facile, je rappelle qu'avant 1981, l'homosexualité était officiellement un délit en France. Oui, hein. Je crois que Fabrice Aimer a été l'un des premiers à organiser des soirées, à faire des clubs où les gays pouvaient être là, s'amuser comme tout le monde entre eux, avec beaucoup de belles filles aussi, hein, Guy, tu le précises. Absolument. Dans l'interview. Les gays aimaient beaucoup les filles et vice-versa, parce qu'elles se sentaient en sécurité et qu'en plus, ils avaient tous les goûts de l'esthétique, forcément. Mmh. Donc mais la fête était là. On revient à dire que les noyaux durs de toutes les discothèques, c'était des délinquants. On était tous des délinquants. Pourquoi vous dites ça? Parce que, comme on a dit, c'était oui, considéré comme un délit. Oui, bah, bien sûr. Ouais, ça paraît tellement surréaliste. Que, oui. On a du mal à l'imaginer. Alors, à partir des années 80, bon, on sent que la situation se complique hein, dans la deuxième partie. Oui. Déjà pour le Palace. Alors, il y a cette histoire du privilège. Est-ce que c'est pas une fausse bonne idée, ça? Une espèce de renoncement aux idéaux? Qu'est-ce que vous en pensez? Complètement, oui. Il est revenu un peu en arrière de ce qu'il prenait au départ. Justement, tout ce qu'il disait tout à l'heure, cette multitude, cette fête de l'humanité grandiose, ces tournages de Cécile Bédemil où il y avait des tout, pas que des gays évidemment, mais il y avait des ouvriers, les gens qui économisaient, les gens pauvres, sans argent, des SDF qui se faisaient jolis, des travelottes, des culs du bois, enfin bon, il y avait absolument tout. Mais tout d'un coup, prenez qu'on allait faire un endroit élitiste, avec les serveurs en quête-pi sur mesure de chez Cheruti. Moi, je m'étais fait un look pour le coup, Eric von Stroheim, avec un monocle, des gants blancs, Paquita, qui était à côté de moi, pour recevoir un tailleur Chanel. C'était un peu trop, quand même. Et puis, beaucoup de problèmes pour rentrer. On ne laissait pas rentrer tous les gens qui étaient là-haut. Donc déjà, ça allait un peu contre le discours. Ça dévie un peu, là. Ça dévie un peu. Bon, et puis... Il y a deux fléaux, Ersin Lebovic, à cette époque. Bon, il y a la drogue, mais c'est pas lié forcément à cette époque, hein. Ouais. C'est vide dans d'autres époques. Mais il y avait le sida, bien sûr. Ouais. Absolument. Qui vient plomber tout ça. Oui, là, ça a clairement changé la donne, même plus que ça, hein. Ça a quasiment sonné la fin de la fête. Guy, tu racontes dans l'interview qu'à un moment donné, les gens commencent à tomber comme des mouches. Ouais. Et en fait, on ne sait pas pourquoi. Les gens ne savent pas ce qui se passe. Mais tout de suite, ça incite évidemment à une grande prudence sexuelle d'abord. Hein, Guy, tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Absolument. Ouais. Et du coup, ça change les choses. Ça change l'ambiance. J'imagine que les gens sortent un petit peu moins. Et puis petit à petit, les choses évoluent. D'ailleurs, au privilège, c'est l'endroit en fait de la rupture avec Fabrice Aimer, Guy Cuevas. C'est le moment où en fait, vous vous fâchez pour une broutille, et on a un peu l'impression que c'est l'accumulation de tout ce qui a précédé, toute cette fête, toutes ces émotions, toute cette tension positive ou négative, et à un moment donné, tout explose et puis ça se délite comme ça. Ça, c'était l'insouciance complète, l'insouciance totale. Il n'y avait pas de chômage, il n'y avait pas de sida, rien. La liberté totale, voire un peu de libertinage. Je disais que tout le monde faisait l'amour partout, dans n'importe quelle porte. On ouvrait une porte, il y avait des gens... On va tout savoir. Oui, voilà. Ça, non, mais je peux le dire, carrément. Ne parlons même pas des loges, là-haut. Mais bon. Et tout d'un coup, tout le monde s'est surveillé. On commençait à avoir des doutes, parce qu'on entendait que les gens tombaient. En plus, c'était surtout les gays. Donc, encore plus, ces noyaux durs qui étaient les nôtres avait peur, donc il n'y avait plus de liberté, on se surveillait, on avait peur, on osait à peine se toucher. Bon, et puis petit à petit, Fabrice, comme vous l'avez si bien décrit tout à l'heure, Fabrice, comme il y avait exactement aussi beaucoup de problèmes d'argent, parce qu'il avait tout dilapidé pour son joujou, mais finalement, il avait probablement le cerveau un peu pris par l'angoisse, l'anxiété, puis il est tombé lui-même un petit peu dans la drogue grâce à un jeune garçon malvenu, pour lui, un petit gigolo. Et que, voilà, il a eu une réaction un peu chaleureuse vis-à-vis de moi quand j'étais au disque, au platine, des privilèges, et puis pour une broutille, effectivement, oui. Je suis parti, alors que je m'en suis voulu après, parce qu'il est mort pratiquement après. Une réaction un peu violente, tu veux dire, il s'est échauffé, en fait. Oui, bon. Il avait le cerveau qui cramait. Tout ça, c'est un peu la fin de l'insouciance. Complètement. Ersine Leboïtch, le rôle du DJ, alors avant, bon, il passait des disques, là, il est l'artiste, finalement, du coin. Oui, ça va bien au-delà. C'est d'ailleurs, c'est un peu l'axe principal du livre. Hein. Les passeurs de disques, en fait, sont des gens qui sont plus que des DJ. Aujourd'hui, tout le monde est un peu DJ, hein. Tout le monde passe des disques. Et il y a un détail que je trouve très intéressant dans ce que raconte Guy et dans ce qu'il faisait à l'époque, c'est qu'aujourd'hui, les DJ mixent des disques au tempo, comme on dit. C'est-à-dire que les disques s'enchaînent sur un même tempo. Et si on ne fait pas ça, on n'est pas un bon DJ. Or, pour Guy Cuevas, ça, c'est une hérésie. Le contraire. Voilà, Guy, c'est le contraire de ça. On casse tous les tempos, on casse tous les genres, on peut passer du classique au disco, à la soul, avec des moments de paroxysme dans des musiques très différentes, mais surtout pas toujours le même rythme et toujours le même tempo. C'est impensable. La racine du mixage, mais aussi finalement une certaine forme de mixité. Oui, de mélange, bien sûr. On mélange. Ce sera le mot de la fin, messieurs. On aura bien continué longtemps à peigner dans cette ambiance. Bien. Écoutez, c'était bien pour nous aussi. Merci infiniment. Au revoir, messieurs. Bravo et merci. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui Loc Palace, les années 80, la fête pendant cette époque-là, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Pardon. Faites-le. Demain, nous évoquerons les rêves parties. Attention. À suivre sur France Inter, la récré musicale d'un autre genre avec vous. Mais il y a de la joie chez vous. Ah oui, aujourd'hui il y a beaucoup de joie. Bon. Et vous, c'est l'été, demandez le programme en gros. Voilà, je n'irai pas comme vous dans les rêves parties, mais j'irai dans les festivals comme les auditeurs et on va leur conseiller plein de bonnes idées, de bons tuyaux. On sera un peu l'agenda estival musical. Parfait, merci Vincent, à tout à l'heure.